protester une dernière fois contre cet avenir qu'ils n'auront pas, les ouvriers, les sans-papiers. Suivent le cortège, le poing levé, combat qu'ils n'ont jamais gagné. Quelques allumés dansent et lèvent leurs verres. Une dernière fête, une dernière fois, demain il y aura plus de gueule de bois. Les églises sont pleines, c'est la queue à confesse. Tout le monde voudrait se faire une place à la droite du Seigneur. Car ce soir, c'est la fin du monde. Et demain, personne ne pleurera sur nos tombes. Celle des soldats inconnus, ni sur celle des enfants de la rue. Celle de l'élite de la nation, ni celle des pauvres. Car ce soir, c'est la fin du monde. Et demain, personne ne pleurera sur nos tombes. Sur celle du soldat inconnu, ni sur celle des enfants de la rue. Celle de l'élite de la nation, ni celle des pauvres cons. Cette ménagère a décidé de passer sa dernière soirée en boîte de nuit sous LSD. Une retraitée s'était lancée pour faire un saut à l'élastique. Elle en rêvait, c'est fantastique. Tous ses employés sont allés montrer leur postérieur à leur patron. C'était le moment ou jamais. Cet homme infidèle a tout avoué. Sa femme lui dit, je m'en fous chérie, moi je ne restais que pour le blé. Ce soir, c'est la fin du monde. Et demain, personne ne pleurera sur nos tombes. Sur celle du sol inconnu, ni sur celle des enfants de la rue. Celle de l'élite de la nation, ni celle des pauvres cons. Ce soir, c'est la fin du monde. Et demain, personne ne pleurera sur nos tombes. Sur celle du sol inconnu, ni sur celle des enfants de la rue. Celle de l'élite de la nation, ni celle des pauvres cons. Quelques fortunes se sont créées, dommage, pas le temps d'en profiter. Les places sont chères dans les cimetières, car nos voisins de pierre tombale le seront ad vitam aeternam. C'est la fosse commune, moi, que je préfère. J'ai pas envie de me retrouver seul pour l'éternité tout entière, dans les grands caveaux de ces grandes familles. Sans jeu de mots, on peut le dire, l'ambiance sera plutôt morbide. Car ce soir, c'est la fin du monde. Et demain, personne ne pleurera sur nos tombes. Sur celle du soldat inconnu, sur celle des enfants de la rue. Celle de l'élite de la nation, ni celle des pauvres cons. Ce soir, c'est la fin du monde. Et demain, personne ne pleurera sur nos tombes. Sur celle du soldat inconnu, ni sur celle des enfants de la rue. Celle de l'élite de la nation, ni celle des pauvres cons. C'est pas la fin du monde, car en fait on s'était planté en décodant le calendrier. La retraitée en a profité, le bain fidèle va divorcer. Les employés démissionnés, ils se seront bien marrés. Ce soir, c'est pas la fin du monde. Une ménagère sous LSD, à beau le chanter, à beau le crier. Les étudiants seront demain toujours en train de défiler, suivis de centaines de